Le gouvernement de Pakone a décidé le 13 dernier d'instituer des dispositifs destinés au complot des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée et à la confrontation de systèmes au sein du ministère de l'Unification, suivant l'application de la loi des droits de l'homme au Nord. D'après le projet de certaines révisions des fonctions du ministère de l'Unification et de ses organismes, adopté lors du Conseil des ministres, le Centre d'enregistrement des droits de l'homme au Nord et le département de formation de la base de la communauté seront nouvellement installés au sein du ministère de l'Unification. Parallèlement, la section de la politique de paix chargée du problème nucléaire du Nord, affiliée à la salle de politique pour l'unification, a vu le jour, alors que l'appareil pour la collaboration Sud-Nord est réduit par rapport au passé.